Vous écoutez toujours Futur Simple et vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1 pour un dernier quart d'heure à l'écoute de Futur Simple. Et dans ce dernier quart d'heure, eh bien, je vais donner la parole à Mélanie Jean qui reçoit Tiffany Rivière et toutes les deux vont nous faire replonger un petit peu sur Terre après ces élucubrations vers le cerveau et puis des sujets un peu plus macabres. On va revenir carrément dans le vivant, bien sur Terre, pour parler de l'éveil des sciences chez les jeunes. Oui, en fait, c'est sensibiliser et faire agir les jeunes pour lutter contre les changements climatiques et aussi pour les sensibiliser à l'environnement. En fait, depuis 1989, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, qu'on appelle le G3E, qui est un organisme à but non lucratif, développe des programmes qui encouragent les citoyens de tout âge à accroître leur compréhension des milieux naturels aquatiques et aussi à participer activement à leur protection. Donc, le G3E prend plaisir, à partager ses connaissances et sur les cours d'eau, surtout, et à former les acteurs en environnement des communautés pour les aider à travailler en partenariat avec les citoyens. Et le G3E propose une série de programmes éducatifs qui permettent à des personnes de tout âge de participer à ce qu'on appelle l'éco-surveillance de l'eau. C'est développé en partenariat avec des institutions qui sont reconnues, qui sont adaptées aux programmes scolaires et dans certains cas, c'est même adapté à des contextes d'éducation non formelle comme des activités pour les aires naturelles protégées, comme à la CEPAC, et même les camps scientifiques. Donc, comme tu l'as dit, Valérie, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Mme Tiffany Rivière, qui est conceptrice d'outils pédagogiques et coordonnatrice du projet Tic-Tac-Go, qui est un nouveau projet qui s'adresse aux jeunes du primaire. Bonjour, Tiffany. Bonjour. Bienvenue à l'émission Futur Simple. En fait, en quoi consiste le nouveau programme Tic-Tac-Go? Tic-Tac-Go est un programme éducatif sur les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, à l'instar d'un cadran, ce programme appelle au réveil en encourageant et en incitant les élèves du primaire à agir dès maintenant de façon positive au quotidien, tout en prenant conscience du pouvoir d'agir tous ensemble. Donc, les enfants seront amenés à adopter des comportements simples réduisant les gaz à effet de serre. Environ 35 classes, soit près de 900 élèves du troisième et deuxième cycle, du primaire à travers la province, pourront participer gratuitement à la phase pilote au cours de l'année scolaire 2012-2013. Le contenu de ce programme est directement lié au programme de formation de l'École québécoise. C'est un programme qui a pour vocation donc d'imprégner à long terme une conscience environnementale par des petits gestes simples. Au fil des années, ce programme pourra donc sensibiliser un nombre toujours plus élevé de jeunes citoyens qui sont les acteurs d'aujourd'hui mais surtout de demain pour préserver nos ressources. En plus de réaliser des actions en classe et en dehors de l'école et d'agir pour réduire les gaz à effet de serre émis, le programme que nous proposons se démarque par le fait qu'il permettra aux élèves de communiquer entre eux et avec nous via un réseautage virtuel. Ils pourront aussi rencontrer virtuellement un chercheur spécialiste des changements climatiques. Et quels sont les avantages pour les enseignants à participer à un tel projet? Pour vous en donner quelques exemples, il y a le fait de faire partie d'un réseau de personnes intéressées à mieux comprendre les changements climatiques, faire aussi leur part pour atténuer les gaz à effet de serre, avoir accès gratuitement à une suite d'activités adaptées spécialement pour les jeunes, participer à un réseautage virtuel et aussi participer à un tirage et voir donc les implications diffusées à travers la province. Et je crois aussi que s'il y a des enseignants, d'ailleurs, qui seraient à l'écoute, qui seraient intéressés à se joindre au programme, c'est encore possible de le faire? Oui, effectivement. Il suffit de me contacter. Nous recrutons actuellement des classes à la grandeur de la province. Donc, n'hésitez pas. On vous donnera mes coordonnées après. Ben oui. Et en plus de Tic-Tac-Go, je crois que vous avez développé une toute nouvelle activité qui vient enrichir un autre programme qui est déjà existant. Oui, nous avons décidé d'enrichir le programme Éduc-Nature avec une nouvelle animation. Éduc-Nature est en fait un service de sensibilisation à la nature et d'activités en plein air élaboré par des biologistes et des éducateurs passionnés. Ce programme propose de nombreuses activités estivales et des semaines nature au camping municipal Beauport, mais aussi des animations en milieu scolaire. Et pour 2013, une toute nouvelle activité vient s'y ajouter. Une activité qui s'appelle la biodiversité aquatique. L'activité propose deux animations réalisables aussi bien en classe qu'à l'extérieur de l'école ou alors à notre centre d'interprétation qui est situé au camping municipal Beauport pour des élèves de deuxième et troisième cycle du primaire. En général, nous déplaçons pour réaliser les animations avec les écoles, mais l'activité peut aussi être réalisée de manière autonome par les enseignants un peu partout dans la province. Et je crois que cette activité se distingue des autres par une particularité qui pourrait être très attrayante, surtout pour les jeunes. Oui, en effet, la première animation a pour but de se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication et d'aborder les concepts de biodiversité aquatique en mettant en avant l'importance de la protection de l'environnement direct. Les jeunes s'initient entre autres à l'utilisation d'un iPod Touch ou d'un iPad, à l'observation microscopique à l'aide d'un proscope, à découvrir l'environnement et les écosystèmes aquatiques de nos cours d'eau. Ils peuvent aussi observer la biodiversité aquatique qui nous entoure, identifier la faune et la flore aquatique caractéristiques d'un milieu où l'animation est réalisée, et aussi manipuler des instruments et des outils de mesure scientifiques. Et vous avez d'ailleurs mis en place un outil qui est fort utile pour évaluer l'état de santé d'un cours d'eau où se déroule une animation. Oui, effectivement, pour ce faire, les jeunes utilisent le carnet de l'observateur des cours d'eau branchés, ça s'appelle. Ça a été conçu par le groupe d'éducation d'éco-surveillance de l'eau et c'est aussi disponible sur notre site internet. Donc, les participants répondent à une succession de questions grâce à une application iPad iPod que nous fournissons, ce qui leur permet d'évaluer l'état des cours d'eau et l'environnement. L'animateur va dans le cours d'eau afin de prélever des macro-invertébrés bentiques, c'est-à-dire des petits organismes tels que des insectes, des vers, des mollusques et des crustacés. Ces organismes vivants sont recueillis, le temps de les observer et les identifier, puis on les remet à l'eau. Ensuite, les enfants vont pouvoir les classer en fonction de leurs critères morphologiques. Et à la fin, ils vont pouvoir compléter le carnet de l'observateur et lire le diagnostic qui est fait dans cette section de leur cours d'eau. Donc, en plus de sensibiliser les jeunes au concept de biodiversité aquatique, vous abordez aussi celui, je crois, du développement durable dans un contexte éducatif? Effectivement, une deuxième animation a pour but de se familiariser avec les concepts de la biodiversité aquatique et du développement durable, tout en mettant en avant l'importance de la protection de leur environnement direct. Cette animation va se dérouler autour d'une maquette de bassin versant. On utilise cette maquette pour illustrer aux enfants leur environnement et les impacts humains sur cet environnement. Ils vont donc pouvoir découvrir leur environnement, les écosystèmes aquatiques, mais aussi l'impact des activités humaines sur l'environnement et sur notre santé. Et donc voir les concepts et fonctions du développement durable, ainsi que discuter autour des actions à réaliser et des habitudes à modifier au quotidien pour pouvoir préserver et restaurer notre environnement. Mmh. Eh bien, merci Tiffany de nous avoir présenté les nouveaux programmes du G3E. On peut dire que vous faites vraiment preuve d'originalité pour sensibiliser et éduquer les jeunes à l'environnement et aux écosystèmes aquatiques. J'en profite d'ailleurs pour mentionner que le programme Tic-Tac-Go sera officiellement lancé mardi prochain, le 27 novembre, à l'école Beau-Soleil à Beauport. Et ça sera fait lors d'une conférence de presse officielle. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les programmes offerts par le G3E, je vous invite à consulter leur site internet au www.g3e-ewag.ca ou à téléphoner au 418-666-6169. Merci beaucoup, Tiffany. Merci à vous. Il reste deux petites minutes. Fait que j'ai une question. Moi, je voudrais savoir comment les jeunes réagissent avec ces outils. Là, le iPad, tu as parlé d'un outil iPad et puis qui pouvait quasiment être un peu autonome pour faire leur observation. Comment ils réagissent avec cet outil-là? Ah, c'est sûr que pour eux, c'est plus stimulant, ouais. Parce que c'est comme la technologie qu'ils peuvent utiliser à l'extérieur. Donc là, on est en train de la tester. Ils n'ont pas forcément un appareil par personne, mais c'est sûr que c'est très attractif et ça permet de les éveiller, ouais. Les intéresser beaucoup plus facilement. Ouais, ouais. Ça doit être assez intéressant. Ça donne presque envie de retourner petit pour aller jouer dans l'eau. Puis, pour pouvoir participer, nous aussi. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez. Il y a l'application qu'on a développée justement des cours d'eau branchés sera disponible en téléchargement. Ouais. On pourra télécharger l'application, mais au printemps. Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui peut se faire ensuite en famille? Oui, vraiment. C'est réalisable en famille. Il suffit de le télécharger sur son appareil et aller se promener le long d'un cours d'eau, choisir un endroit pour réaliser ce petit carnet. Toutes les instructions sont faites. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde et pas juste à l'école. Donc, voilà. Comme ça, finalement, l'école sort de classe. Exactement. C'est ça. Et puis, on peut avoir une belle idée de l'état de santé de tous nos beaux cours d'eau du Québec, qui sont nombreux et très méconnus. Merci beaucoup, Tiffany. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mélanie. Mais c'est de rien.